بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل الدراسة لهذه المنظومة العظيمة الميمية في النصائح والآداب العلمية لشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Donc nous continuons l'explication de ce poème grandiose intitulé La Mimiya dans les conseils et les comportements qui ont attrait à la science de Cheikh Hafiz ibn Ahmed al-Hakami rahimahullah ta'ala. Wa kunna waqafna bil amsi ala qawli an-nazim rahimahullah وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. Donc nous étions arrêtés hier à la parole du poète lorsqu'il dit: et mon Seigneur a accordé des bienfaits à tous les serviteurs, à toutes les créatures et à tous les prophètes par la science, en leur enseignant la science. Alors souviens-toi du plus grand des bienfaits. Souviens-toi du plus grand des bienfaits qu'est la science. وبعد هذا سيواصل المصنف رحمه الله في ذكر نعمة العلم وفضل العلم. Donc l'auteur va continuer à nous citer les mérites de la science, les mérites de la science religieuse. فيقول يكفيك من ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم كذاك في عده الآلاء قدماه ذكرا وقدماه في سورة النعم وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باخ ومغتشم وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. Donc nous allons étudier ces quelques vers que l'auteur a cités. فيقول يكفيك من ذاك أولى سورة نزلت. Il te suffit pour, c'est-à-dire connaître le bienfait de la science et le mérite de la science, il te suffit pour cela. La première sourate qui a été descendue sur ton prophète, c'est-à-dire la prière, la sourate Al-Alaq. Il l'a appelée Al-Qalam, liana ja fiha dhikru Al-Qalam. Naam. Fi qawlihi subhana. Allama alladhi allama bil qalam. نعم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. Donc le cheikh a appelé cette sourate, نعم sourate al-qalam, par rapport à ce verset là lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit lui qui a enseigné par la plume, yani Allah subhanahu wa ta'ala qui a enseigné par la plume. فيقول يكفيك في بيان شرف العلم وفضله وأنه من أعظم منن الله عز وجل على عباده. أولى سورة نزلت وهي سورة العلق فهي أول سورة في القرآن نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم. Donc la sourate Al-Alaq est la première sourate qui a été descendue sur le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. كيف دلت هذه الآية أو هذه السورة على فضل العلم؟ Comment cette sourate a-t-elle prouvé l'importance et le mérite de la science? ذلك لأنها awwaluma nazala ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ceci car c'est la première sourate qui a été descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa dhakara Allah fiha wa amara fiha bit ta'allum. Faqala iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate en t'ordonnant de lire. والقراءه والقراءه مصدر من مصادر العلم. Et la lecture est une des sources de la science et un des moyens par lesquels tu apprends la science, par la lecture. وكذلك في الايه التي تليها ذكر الله سبحانه وتعالى أنه علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم فهذا كذلك يدل على فضل العلم. Et également dans la suite des versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de lui, celui qui a enseigné par la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. فهذا يدل على فضل العلم. Donc ceci prouve l'importance et le mérite de la science. ثم قال قال الناظم كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا. Et de même, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité les bienfaits qu'il a accordés à ses créatures, il a cité en premier lieu le bienfait de la science. كما في سورة الرحمن. قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. نعم خلق الإنسان من النعم، لكن تقدمه ذكر نعمة تعليم القرآن. دونك الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ar-Rahman a cité en premier lieu, donc quand il a cité les bienfaits, il a d'abord cité qu'il a enseigné le Coran. Il nous a enseigné le Coran. Puis après il cite qu'il a créé l'être humain. Et la création est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Mais avant cela, il a cité le bienfait de l'apprentissage du Coran. وقدمه في سورة النعم. Et il a aussi devancé la science, le bienfait de la science sur les autres bienfaits dans Sourate An-Na'am. Sourate An-Na'am, c'est un autre nom de Sourate An-Nahl. C'est un autre nom de la sourate les abeilles. Sourate An-Na'am. ففي سورة النعم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله سبحانه وتعالى nous dit dans سورة النحل, dans la sourate les abeilles, il a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme, puis le voici qui est un grand disputateur, qui parle clairement. Bima'na, anna Allah azza wa jal an'ama ala hadha al-insan bil-bayan. Al-bayan al-nutqi alladhi bihi yastati' an yukhasim. وَيُبَيِّنْ مَا يُرِيدْ وَيُدَافِعْ عَنْ آرَائِهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'être humain la faculté de l'éloquence. qu'il sache s'exprimer, exprimer ce qu'il désire, et qu'il puisse défendre ses avis par son éloquence. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا البيان الذي أنعم به على الإنسان تجدون الناس بعد ذلك يستعملونه في مخاصمة الله عز وجل. Donc ces gens-là, la majorité des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la faculté de l'éloquence, puis vous les voyez qui quoi ? Qui discutent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils contredisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمْ يَشْكُرُوا هَذِهِ النِّعْمَةِ نِعْمَةُ الْبَيَانِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ عَلَى نِعْمَةِ الْبَيَانِ. La majorité des gens n'ont pas été reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour leur avoir accordé la faculté de l'éloquence. L'éloquence est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. فَمَنْ شَكَرْ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ النِّعْمَةَ فَعَلَى نَفْسِهِ. Celui qui va être reconnaissant pour ce bienfait et qui va l'utiliser dans le bien, qui va utiliser l'éloquence dans le bien pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, pour enseigner le bien, pour dire de bonnes paroles, eh bien celui-là, le mérite ne revient à Afwan. La récompense de ses bonnes actions ne reviendra que pour lui. Et celui par contre qui est méconnaissant de ce bienfait et qui utilise l'éloquence pour contredire Allah subhanahu wa ta'ala et contredire les prophètes et contredire la vérité et pour tromper les gens, eh bien celui-là, il n'aura porté préjudice qu'à lui-même. ثم ذكر المؤلف أو الناظم وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. فالله سبحانه وتعالى ميز بالعلم حتى البهائم. Donc Allah سبحانه وتعالى même les animaux Allah سبحانه وتعالى les a différencié par rapport à la science. هكذا لعلكم لا تدركون ماذا يريد المؤلف بهذا الكلام. Peut-être que vous ne voyez pas où c'est qu'il veut en venir lorsqu'il dit cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé même parmi les animaux celui qui a de la science et celui qui n'en a pas. فسنذكر بعض الأمثلة. الجوارح هي الكلاب. نعم. Le chien. Allah subhanahu wa ta'ala في سورة المائدة أحل لنا لحم أو صيد الكلب المعلم وحرم علينا صيد الكلب غير المعلم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licite ce que ton chien que tu as éduqué, hein, le chien éduqué pour la chasse, le chien à qui tu as enseigné et que tu as éduqué, comment il doit aller prendre, comment il doit chasser, ce chien-là, Allah SWT l'a favorisé sur le chien à qui tu n'as pas enseigné et que, sur le chien que tu n'as pas éduqué. Car le premier, tu as le droit de manger le gibier qu'il rapporte. Le chien éduqué pour la chasse, tu as le droit de manger le gibier qu'il rapporte. Quant au chien non éduqué pour la chasse, tu n'as pas le droit de manger le gibier qu'il rapporte. Ma'ana kilab ou makilab, bien que les deux sont des chiens. Lakin al-farq anna hadha mu'allam wa hadha ghayra mu'allam. Mais la différence, c'est que celui-là, il a été éduqué et celui-là n'a pas été éduqué. celui-là a reçu un enseignement et celui-là n'en a pas reçu. هنا فائدة. وهي أنه يستفاد من الآية آية المائدة وهي قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dit il t'interroge ce qui leur a été rendu licite sur ce qui leur a été rendu licite. Dit, il vous a été rendu licite les bonnes nourritures. Dit, il vous a été rendu licite les bonnes nourritures et ceux que les chiens que vous avez enseigné, que vous avez éduqué, Afwan, et ceux que les chiens que vous avez éduqués vous rapportent. Donc, mangez de ceux qu'ils vous amènent. Ou de ceux qu'ils ont. De ceux. Mangez de ceux qu'ils ont chassés pour vous. Ces chiens que vous avez éduqués. Fayustafad min al-aya. On tire comme leçon. Nous tirons comme leçon de ce verset qu'il est une condition. Yushtaratu fima tubahu aklu saydihi min al-jawarih an yakuna mu'allaman. Donc, on tire comme leçon de ce verset qu'il est une condition qu'il est une condition pour pouvoir manger du gibier qui est rapporté par le chien, que ce soit un chien qui a été éduqué, qui a reçu un enseignement. وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي مَنْ يُفْتِي فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا. Et de la même façon, il est une condition pour celui qui veut faire des fatwas, qui veut émettre des avis juridiques, qui veut émettre un avis religieux plutôt. Il est une condition pour celui qui veut émettre un avis religieux qu'il soit savant, qu'il ait reçu aussi un enseignement. فَيَحْرُمُ أَكْلُ صَيْدِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ مِنَ الْجَوَارِحِ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ اسْتِفْتَاءُ الْجَاهِلِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْجَاهِلِ أَنْ يُفْتِي. Donc, de la même façon qu'il est interdit de manger le gibier qui a été rapporté par un chien non éduqué pour la chasse, de la même façon, il est interdit d'aller poser des questions à une personne qui est ignorante de la religion, qui n'a pas étudié la religion, et comme tout comme il lui interdit aussi à lui d'émettre des fatwas. ثم قال وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. Il dit et Allah a Et Allah a blâmé les ignorants ceux qui ignorent la religion. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés. Plus même qu'il n'a blâmé les animaux. فقال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset, Nous avons préparé pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Et ils ont des ouïes, ils ont des yeux plutôt, avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont semblables à des animaux, mais ils sont même pires encore. Ceux-là sont ceux qui sont insouciants. Fahum adna min al-buhumi. Ils sont pires que les animaux. Les êtres humains qui n'ont pas de science sont pires que des animaux. Dalika li an al البهيمة لا عقل لها أصلا. Ceci car les animaux à la base n'ont pas de raison. أما الإنسان فقد كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل. Quant à l'être humain, Allah سبحانه وتعالى l'a honoré par la raison. Il a donné une raison. فإن لم يستعمل الإنسان العقل في تعلم العلم والعمل به فهو قد جنى على نفسه. Donc si l'être humain Si l'être humain à qui Allah a donné une raison n'utilise pas sa raison pour apprendre la science et l'appliquer, eh bien, celui-là, il est pire qu'un animal car Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné la capacité d'apprendre. Mais il a été injuste envers lui-même et il a délaissé l'apprentissage. ثم قال وليس ربطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. Et il n'y a pas de jalousie, il ne doit pas y avoir d'envie et de jalousie pour une personne, sauf dans deux choses. Celui qui fait du bien avec son argent et celui qui fait du bien avec sa science. فلا يربط الناس إلا على أمرين الإحسان في المال ببذل المال والإحسان ببذل العلم. Donc, on ne doit envier on ne doit envier parmi les gens que deux personnes. Celui qui fait du bien et qui dépense de son argent dans les chemins du bien, dans les voies du bien. Et celui qui fait du bien avec sa science en la propageant. وهذا كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. Comme ceci est venu dans les deux recueils authentiques, dans un hadith rapporté par عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: il ne doit pas y avoir de jalousie ou d'envie, sauf dans deux choses. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Le premier, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent, a donné la richesse, et qui dépense de cette richesse dans la vérité, pour propager la vérité, pour dans les voies du bien. Warajulun, le deuxième, warajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Et le deuxième, un homme à qui Allah a donné la sagesse, c'est-à-dire la science, et qui juge avec cette science, il l'enseigne aux gens. وترون كيف استطاع الناظم رحمه الله أن يجعل هذا النص هذا الحديث في نظمه لأن الحديث لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا ورجل أتاه الله حكمة. نعم. والناظم قال وليس غبطة إلا في اثنتين. يعني المراد بالحسد في الحديث الغبطة. المراد بالحسد في الحديث الغبطة. Donc, de la même façon que le hadith, en gros, ce que je veux dire, c'est que l'auteur, dans son poème, a pris les termes qui sont dans ce hadith et les a mis dans son poème. Lorsqu'il dit, il n'y a pas de jalousie, il ne doit pas y avoir de jalousie, sauf dans deux choses. Le hadith nous dit exactement la même chose. قال المصنف ليس غبطة إلا في اثنتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. Donc l'auteur a dit il n'y a pas d'envie sauf dans deux choses, et le hadith dit la même chose exactement. فقال العلماء أن المراد بالحسد في الحديث إنما هو الغبطة وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك. Donc, el-ribta, en arabe, le mot ribta, c'est le fait que tu veuilles avoir la même chose que ce qu'a ton frère. Tu vois un frère qui a de la science, tu vois un frère qui a de l'argent, tu vois un frère qui a une femme et des enfants, et donc tu voudras avoir la même chose que lui. Biduni an تتمنى زوال نعمة الله على أخيك. Donc tu vas vouloir avoir les mêmes choses que ton frère, sans pour autant vouloir qu'Allah lui enlève les bienfaits qu'il lui a accordés. هذا هو الغبطة. هذا الكلام الآن يعني للتفريق بين الحسد والغبطة. يعني ça c'est pour faire la différence entre la jalousie et l'envie. La jalousie, ça t'a t'imagina. لكن الغبطة, l'envie, c'est que tu espères avoir la même chose que ton frère sans vouloir qu'Allah lui enlève ce qu'il lui a accordé. وأما الحسد وأما الحسد فهو تمني النعمة التي أنعم الله بها على الغير مع تمني زوالها عنه. Quant à la jalousie, c'est que tu espères avoir la même chose. Hein? Tu espères avoir une chose qu'Allah a donnée à une autre personne en espérant qu'Allah va lui enlever ce bienfait. فلاحظوا الفرق بين العبارتين وبين الاثنين. الحسد والغبطة. La jalousie et l'envie, il y a une différence entre ces deux-là. Et comme nous avons expliqué, donc, ce qui est voulu dans le hadith, lorsqu'il dit « la hasada illa fithnatain », lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « il n'y a pas de jalousie sauf dans deux choses », le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par là « la ribtata ». Il n'y a pas d'envie sauf dans deux choses. « Thumma qala al-musannif » ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أربط به النهم. Et parmi les qualités des gens de la foi, parmi les qualités des croyants, من أوصاف أهل الإيمان شدة حرصهم على العلم وطلبه وتحصيله. Donc parmi les qualités des croyants, c'est qu'ils sont motivés pour aller apprendre la science. Ils veulent apprendre la science. لأنهم هم الذين عرفوا قدر العلم. Car ce sont eux, les croyants, qui ont connu le bien, yani, qui ont connu le mérite de la science et la valeur de la science. فنهمتهم في العلم شديدة ورغبتهم فيها أو فيه قوية. Donc les croyants, ce sont eux qui ont la motivation et qui se concurrencent pour aller apprendre la science, car ils ont connu la valeur de la science religieuse. وَنَهْمَتُهُمْ مُسْتَمِرَّةٌ وَدَائِمَةٌ إِلَى اللِّقَاءِ نَهْمَتُهُمْ فِي الْعِلْمِ حَتَّى اللِّقَاءِ حَتَّى لِقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِالْمَوْتِ. Et donc, leurs efforts et leur motivation, elle est continue. Ce n'est pas, ils sont motivés au début, puis ils arrêtent en cours de chemin. يستمرون في طلب العلم. Et ils sont constamment motivés pour apprendre la science jusqu'à la mort, jusqu'à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala par la mort. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما رؤي مع في آخر حياته ومعه المحابير والأقلام سئل إلى متى تطلب العلم. L'imam Ahmed a été questionné. Des gens l'ont vu avec son encre et sa plume en train d'écrire vers la fin de sa vie. Des gens ont vu l'imam Ahmed avec son encre et sa plume en train d'écrire vers la fin de sa vie. Et ils lui ont demandé, jusqu'à quand tu vas apprendre la science ? Fa'ajab, rahimahullah, ma'al mihbara ila al-maqbara. Je serai avec mon encre, je resterai avec mon encre jusqu'à être enterré dans mon tombeau. Jusque dans ma tombe, je serai avec mon encre. فالإنسان يتعلم ولا يفتر ويواصل ويستمر ويجتهد لا يمر عليه يوم إلا وهو يزداد علما. Donc la personne doit s'efforcer et persévérer dans l'apprentissage de la science Il ne doit jamais s'arrêter. Chaque jour qui passe, il doit avancer dans sa science, augmenter sa science. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et lui dit: dis, ô mon Seigneur, augmente-moi en connaissance. Fal mu'min da'iman yas'alu Allah azza wa jalla az-ziyadata min al-'ilm wa yahris 'ala izdiyad 'ilmihi. Donc le croyant demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de lui augmenter sa connaissance et il fait les efforts pour pouvoir l'obtenir, cette connaissance, et pour augmenter en connaissance. فَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَمِنْ صِفَاتِ أُولِي الْإِيمَانِ. C'est pour cela qu'il a dit parmi les qualités des croyants, des gens de la foi, les gens qui ont la foi, ils font des efforts pour apprendre la science jusqu'à la rencontre de leur Seigneur. ثم قال المصنف رحمه الله العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي العلم غايته القصوى العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا أولي الهمم العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي العلم أعلى حياة العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. Donc il dit, la science est la chose la plus riche et la plus délicieuse qu'une oreille peut écouter et qu'une bouche peut prononcer. Puis il dit, que la science a un but qui est noble. La science a un but qui est noble. Et qui est quoi? C'est quoi le but de la science? لِمَاذَا نَتَعَلَّمْ مَا هُوَ غَايَةُ الْعِلْمِ أَسْأَلُكُمْ نعم نتعلم لنعمل وليس لمجرد العلم. On n'apprend pas juste pour connaître. Certes, on apprend pour connaître, mais le but, pourquoi nous voulons connaître, pourquoi nous apprenons, c'est pour arriver à pratiquer notre religion, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amr alladhi khuliqna min ajli. La chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est de l'adorer. فَكَيْفَ تَعْبُدُهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ. Donc comment veux-tu l'adorer si tu ne sais pas? Tu ne connais pas la religion, tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne connais pas ses ordres et ses interdits. لَابُدَ أَنْتَ تَعَلَّمُ حَتَّى تَعْبُدَهُ. Tu vas devoir donc apprendre pour pouvoir l'adorer comme lui, il le veut. ثم قال العلم أشرف مطلوب. Il dit la science est la chose la plus noble qui peut être recherchée. العلم أشرف مطلوب وأشرف من المال. La science est plus noble que l'argent et la richesse. De rechercher la science est beaucoup plus méritoire que de rechercher la richesse. لأن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الفرق في التفريق بين العلم والمال قال العلم يحرسك وأنت تحرس المال. علي بن أبي طالب رضي الله عنه disait: la science te protège. La science te protège. Te protège de tomber dans des interdits. te protège de tomber dans des erreurs. Donc la science, elle te protège. Tandis que l'argent et la richesse, c'est toi qui la protèges. La budan taj'al malak fi sunduq. La yattali alayhi ahad. Lorsque tu as de la richesse, il va falloir que tu caches cette richesse dans un coffre pour la préserver, pour que personne ne puisse te voler ta richesse. Fanta tat'ab fi kasb al-mal wa fi hifdhihi. Donc toi, tu vas te fatiguer à aller rechercher la richesse. Puis après, tu vas encore te fatiguer pour préserver ta richesse. Amma al-ilm, quant à la science, ça t'attrape fi tahsilihi wa fi kasbihi. Lakin ba'da ma kasabtahu hadha al-ilm alladhi at'abta nafsaka lahu huwa alladhi sayahrusuka wa yahfazuka min adhabillahi fi ad-dunya wal akhirah. Donc quant à la science, certes au début tu vas te fatiguer pour aller la chercher, mais une fois que tu l'auras cherché et que tu l'auras obtenu, et bien cette science va te protéger. Va te protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et dans l'au-delà. Et va te protéger de tous les malheurs sur terre et dans l'au-delà. فَلِذَلِكَ كَانَ الْعِلْمُ أَشْرَفُ مَطْلُوبُ. C'est pour cela que la science est la chose la plus noble qui peut être recherchée. وَطَالِبُهُ لِلَّهِ أَكْرَمُ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَمِي. Et celui qui va chercher la science en étant sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, يطلب, يعني يذهب يطلب العلم خالصا لله. Il va chercher la science avec sincérité. لَا لِيَمْدَحَهُ النَّاسِ. Non pas pour que les gens fassent ses éloges. فُلَانْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ. Que les gens disent de lui, MashaAllah, le frère il est parti faire طلب العلم. Masha'Allah, le frère, il est parti au Yémen. Masha'Allah, le frère, il est parti en Égypte. Masha'Allah, le frère, il est parti en Saoudie. Alladhi yatlubu al-ilm hatta yasma'a an-nas yaquluna 'anhu hadhalik falaysa huwa alladhi huwa akramu man yamshi 'ala qadami. Donc, celui qui apprend la science pour ces choses-là et pour que les gens fassent ses éloges, il ne rentre pas dans ce que l'auteur a dit lorsqu'il dit que celui qui apprend la science pour Allah, cette personne-là, c'est la personne la plus noble qui marche sur la terre. La personne la plus noble qui marche sur terre, c'est celui qui va chercher la science pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui va chercher la science pour autre qu'Allah, eh bien celui-là n'est pas le plus noble de ceux qui marchent sur terre. Bal qad yakun min akhas man yamshi ala qadami. Mais il peut même faire partir des personnes. Il peut même faire partie des personnes les plus viles et les plus basses qui marchent sur terre. ثم قال العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلام. La science est une lumière éclairante par laquelle s'éclairent les gens du bonheur alors que les ignorants sont dans les ténèbres. بمعنى ان من ان طالب العلم يستضي بالعلم العلم ينير له الطريق الموصلة ينير له الطريق الموصلة إلى الله عز وجل. C'est-à-dire que celui qui va apprendre la science, l'étudiant en science, sa science va lui éclairer le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les ignorants sont dans les ténèbres. كثير من الآيات والأحاديث دلت على هذا على أن العلم نور كما قال سبحانه قال نعم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه الآية. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en s'adressant aux gens du livre, il dit « Ô vous, gens du livre, il vous est venu un prophète, un messager qui vous explique beaucoup de choses que vous cachiez, qui démontre et éclaircit beaucoup de choses que vous cachiez. Il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre clair. » فالله سبحانه وتعالى وصف هذا الدين وهذا العلم علم القرآن وعلم علم الحديث علم السنة لأن النور قالوا إنه محمد بعض المفسرين قالوا إن النور في الآية النور محمد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نعم قد جاءكم من الله أي قد جاءكم من الله محمد والقرآن جاءوا من الله Arsalahumullah Azza wa Jal. Donc, dans ce verset, la lumière qui est citée, lorsqu'Allah dit il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre clair, beaucoup d'exégètes ont dit que la lumière, ce qui est voulu dans ce verset, la lumière désigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le livre clair, c'est le Coran. Idhan al-ilm Nourun. Donc la science, c'est une lumière par laquelle nous allons nous éclairer pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, al-ilmu a'la hayatin lil-ibadi kama ahlul jahalati amwatun bi jahlihimi. La science, c'est ce qui accorde aux créatures la meilleure vie. La vie la plus noble, la vie la plus respectable, on l'obtient par la science. Alors que les ignorants sont morts, sont comme des gens morts à cause de leur ignorance. فلذلك يعني قال أحد الشعراء قال وفي الجهل موت وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور يعني il cite que les gens ignorants ils sont morts avant même d'être morts لأنهم لا غاية لهم ils n'ont pas de but ils ne servent à rien. L'ignorant ne sert à rien. وكذلك قال ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. Celui qui est mort et qui demeure, qui repose dans son tombeau, ce n'est pas lui le vrai mort. Mais le vrai mort, c'est celui qui est vivant. Mais en réalité, il est mort. يَنَّهُ لَا غَيَّةَ لَهُ Il n'a rien à faire. Il ne sait pas quoi faire de sa vie. فَكَأَنَّهُ مَيِّتْ C'est comme s'il était mort. Car il ne sait pas quoi faire de sa vie. أَمَّا بِالْعِلْمِ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ نَبِيِّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةِ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ لَكَ الطَّرِيقُ وتعرف المقصود والغاية التي تسعى إليها فتعمل لها في الدنيا. Quant à celui qui a la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la sunna du prophète, et qui connaît la religion de l'islam, eh bien, le fait qu'il connaisse toutes ces choses-là va lui éclaircir la voie. Et il sait où il doit aller. Et donc il va tout faire pour atteindre son but, qui est le paradis. Donc ceci va régler sa vie. Et c'est pour cela qu'il a la vie, la vraie vie et la vie la plus respectable et la meilleure. لعلنا نقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.